Bonjour, voici un enregistrement qui date du 21 octobre de l'année 2007 où il était question de l'importance de prendre un temps d'arrêt. Bonne écoute. L'importance de prendre un temps d'arrêt dans sa vie. Hier soir, j'allais au club vidéo. Je voulais louer des films. Puis il y avait tellement de films qui me tentaient là, que je ne réussissais pas vraiment à choisir. Et puis, à un moment donné, je me suis arrêté pour faire un choix. Je trouvais ça donc difficile de choisir un film. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de moi qui voudrait tout écouter les films en même temps, alors que c'est pas possible. Puis la minute que j'écoute un film, je veux en écouter un autre, puis je veux en écouter après ça un autre. Fait que finalement, je suis jamais satisfait parce que je pense tout le temps à ce que je pourrais faire d'autres. C'est comme pour la poésie. Actuellement, je vis une période où est-ce que je m'amuse à enregistrer des poèmes que j'ai composés. Puis la minute que j'en ai complété un, j'ai dit « Ah, là, je pourrais en faire un autre. Là, je pourrais en faire un autre. » Fait que finalement, je savoure pas ce que je fais. Puis je suis toujours projeté dans le futur, dans l'avenir, pour effectuer d'autres tâches. Puis à ce moment-là, je suis pas heureux. Parce que je suis toujours dans le désir qui en vient à m'amener à toujours me projeter dans l'avenir au lieu de savourer les petites réussites, les petites victoires, les petites choses que je vis dans le moment présent, comme par rapport à la poésie, le fait que j'en ai enregistré un, donc de savourer ça. Donc, je suis tout le temps en projet, puis projeté dans l'avenir. Puis ça, c'est tout le temps, je parle de cette façon-là, mais je vis vraiment le mental compulsif qui est tourné vers le futur, puis je crois que quand on s'éveille, il faut se regarder en pleine face, aller voir c'est quoi ses limites, aller voir c'est quoi qui nous empêche d'être heureux. Puis dans mon cas, c'est cette obsession à la performance, au rendement que j'ai intériorisée, qui vient de la société, entre autres, et que je m'impose par rapport à mon œuvre artistique, la poésie. Puis c'est également ce désir de possession qui m'habite quand que je fais carrément de la surconsommation, dans le sens que je m'achète un livre, je commence à le lire, puis je dis « Ah, tel autre livre a l'air intéressant! » Fait que finalement, j'achète tel autre livre, je le lis un peu, puis finalement « Ah, tel autre livre! » Fait que je passe d'un livre à l'autre, un peu comme un singe qui passe de branche en branche sans jamais s'arrêter, puis apprécier ce qu'il y a. Puis ça nourrit le besoin compulsif de tout le temps acheter. Puis finalement, le bonheur n'est pas dans l'achat parce que je suis trop occupé à penser à ce que je pourrais acheter. Donc, je pense en fonction de ce qui me manque. Donc, qu'est-ce que j'ai pas, puis qu'est-ce que je pourrais avoir. Puis c'est quelle partie de moi qui nourrit ça? C'est le mental. Parce que le mental vit à la fois dans le passé puis dans le futur, dans la projection, parce qu'il n'y a pas d'emprise sur le moment présent. Et puis, ce comportement-là que j'ai observé chez moi, en faisant de l'introspection, en prenant un temps d'arrêt, comme je le fais avec vous en vous parlant au micro, eh bien, à ce moment-là, ça m'a permis de voir plus clair dans ce qui m'arrive. Puis pourquoi j'ai tout le temps le même pattern de comportement qui ne me donne pas un sentiment de plénitude? Parce que moi, je me dis, si je vis un processus d'éveil, c'est pour être plus heureux, donc être plus lumineux, être plus joyeux, me sentir plus bien, vivre plus de vitalité. Alors, ce désir compulsif que je vis me fait entrave à ce souhait de vivre dans un état de satisfaction intérieure et ne pas penser qu'en fonction du manque. L'autre fois, je discutais avec mon frère, puis là, il dit « Ah, je pourrais planter telle fleur. » Au lieu d'apprécier la fleur qu'il venait planter, il pensait tout de suite en fonction du manque. Donc, qu'est-ce qui manquerait pour améliorer encore? C'est comme là, on avait des lumières qui allument le soir à l'arrière de chez moi. Donc, c'est très beau, là. Mais on en a quelques-unes. Finalement, on pourrait en ajouter une autre là. Fait que finalement, on n'est jamais satisfait. Puis là, il doit être sans doute en train de penser, mon frère, parce que lui qui fait l'aménagement extérieur, ces choses-là, à qu'est-ce qu'il pourrait ajouter d'autre pour améliorer. Donc, c'est ce côté perfectionniste qui nous pousse. Oui, c'est bien de se dépasser, de toujours embellir les choses, mais d'un autre côté, si on est tout le temps dans cette mentalité-là, dans cette activité effrénée du mental, on ne savoure pas qu'est-ce qu'il y a maintenant. Puis, à quelque part, on est toujours frustré parce qu'il y a toujours matière à embellir. C'est infini, car on est des êtres infinis, fait que les choses qu'on peut faire sont infinies. À quelque part. Quand que je parle d'être, je parle en fonction de notre être profond. Là, je ne parle pas nécessairement de notre personne physique. Et puis tout ça m'a amené à reprendre contact avec l'enseignement du bouddhisme qui enseigne, je suis en train de prendre contact à travers du livre de Mathieu Ricard que je lis à temps perdu depuis quelques semaines, qui enseigne à ne pas nourrir ce désir compulsif qui nous empêche d'être heureux, qui fait qu'on fait plus de la même chose. Donc, quand on achète un livre, on n'est pas satisfait, on en veut un autre. Quand on a l'autre livre, on en veut encore un autre. Donc, on fait tout le temps plus de la même chose qui nous empêche d'atteindre l'état de plénitude, l'état de bonheur. Fait que pour pallier à cette conduite-là, il faut apprendre à calmer le mental et apprécier, à savourer ce qu'on a, à être capable de dire « j'apprécie », par exemple, le moment que j'ai passé agréable avec quelqu'un. Donc, être capable de remercier, d'être capable d'apprécier, puis accepter surtout ce qui est, plutôt que résister ce qui existe, puis vouloir changer tout le temps les choses, car ce désir de compulsion de changer les choses, même si c'est pour le mieux, nous empêche de savourer pleinement ce qui est offert à nous autres. Puis je fais cet enseignement-là, c'est sûr que c'est dans mon cas, parce que j'ai ressenti le besoin intérieur de réajuster ma conduite en faisant preuve d'autocritique à mon égard, parce que moi, je me dis, si on s'éveille, il faut être capable de se regarder en pleine face, puis d'oser de se confronter dans sa conduite, puis voir quelles sont les entraves qui, concrètement, dans notre vie, nous empêchent d'atteindre un sentiment de bonheur. Parce que moi, je me dis, je vais améliorer mon sort, puis je ne vais pas le détériorer. Puis encore là, dans le propos que je vous tiens, en m'auto-analysant de manière critique, analytique, je peux dire que c'est marqué par mon désir d'amélioration de soi. Puis ça me fait penser à la nature de deux enseignements spirituels que j'ai côtoyés au fil du temps. Celui du philosophe jovialiste André Moreau qui enseigne que, dans le fond, notre être, de par notre être profond, on bénéficie de toute l'autoréalisation dont on a besoin. Puis de cette perspective-là, de vouloir tout le temps se dépasser, s'améliorer, progresser, c'est une fuite en avant. Donc, il dénonce le progrès comme étant une fuite en avant. Puis il y a un désir qui ne nous apportera jamais la plénitude, puis qui est hérité d'une vision du monde qui est évolutionniste, donc qui est centrée sur l'évolution, en la croyance que l'individu va évoluer en quelque chose de supérieur, qu'il va lui évoluer en quelque chose de davantage supérieur, etc. Donc, une hiérarchie, c'est une pensée qui est pas mal en vogue dans notre société. Puis l'effet pervers de ça, c'est qu'on n'apprécie jamais ce qu'on est, puis on est toujours avec le désir de s'améliorer. On se fait quasiment violence à vouloir se dépasser de cette façon-là, tandis que lui, ce qu'il prône, c'est que de par notre être, on est déjà réalisé, puis c'est de l'accepter, d'être capable de réaliser qu'en étant je suis être, quand tu te sens être, tu es réalisé totalement. Puis t'as pas besoin de faire des efforts, t'as pas besoin de te projeter dans l'avenir, puis de dire « Ah, je suis pas bon, faut que je m'améliore. » Cette pensée-là, qui est héritée du christianisme, la personne est née dans le péché, etc., la faute originelle, puis elle doit se racheter en s'améliorant, en faisant un travail sur soi, en progressant, etc. Lui, il dénonce ça, tandis que, ça, c'est en opposition avec l'autre façon de penser qui dit qu'il faut progresser, il faut se développer, une vision du monde évolutionniste sur le plan spirituel, puis... Ça fait penser un peu à André Harvey qui dit que, dans le fond, les gens qui arrêtent d'avancer, qui arrêtent d'évoluer, c'est des gens qui restent fixes, un peu comme des blocs de béton qui n'avancent plus puis qui stagnent dans leur belle sagesse qu'ils croient avoir atteinte. Donc, l'un des pièges de l'ego, c'est de se croire également rendu à quelque sorte puis d'arrêter d'être ouvert au changement. Puis, à la suite de l'analyse de ces deux visions du monde-là, j'en crois qu'il faut être capable... Oui, d'être ouvert au changement, mais tout en appréciant ce qui est, puis de ne pas vouloir changer pour changer, car c'est absurde. On voit ça au Québec avec la réforme sur le plan de l'éducation. Il y a un paquet de réformes, puis finalement, le système ne s'est pas nécessairement bien amélioré. Donc, le changement pour le changement, c'est pas quelque chose de souhaitable, parce qu'on est toujours en projection dans le futur, puis on n'accepte pas qu'est-ce qu'il y ait ici et maintenant. Alors, à la lumière de ces deux visions du monde... par rapport à l'importance d'évoluer ou pas. On peut débattre longtemps de la question, mais le but, c'était seulement soulever ces interrogations-là, puis de vous amener aussi à voir que, quand on prend un arrêt, on peut conscientiser ces choses-là, puis recalibrer par soi la conduite à partir d'une observation critique de qui qu'on est. Donc, ça suppose qu'on est autocritique, comme je viens de le faire au micro en vous parlant. Puis ça me fait vous partager également la réflexion du fait que ce qu'on veut posséder en vient à nous posséder. Comme je vous parlais de livres ou de films que je vais écouter, finalement, c'est ces biens-là qui étaient censés agrémenter ma vie en allant voir des films dans mes loisirs, etc. est venu me posséder, que j'en venu dépendant puis être obsédé. Fait que là, je me suis dit « Wow! Il faut que je recalibre les choses. » Puis à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prends un temps d'arrêt pour écouter la partie de moi qui est sage, qui vit dans le secret de mon cœur. Et sur cette petite réflexion, je vais vous laisser réfléchir à votre tour, à ce qui pourrait être place à amélioration, que dis-je, à intégration dans votre vie. Au revoir.